Chapitre 164, la veille du 2 septembre. Quand la patrie est en danger, avait dit Danton, le 28 août, à l'Assemblée nationale, tout appartient à la patrie. Le 29, à 4 heures du soir, la générale battait. On savait de quoi il était question. Les visites domiciliaires allaient avoir lieu. Comme par un coup de baguette magique, à ce premier roulement de tambour, Paris changea d'aspect. De populeux qu'il était, il devint désert. Les boutiques ouvertes se fermèrent. Chaque rue fut cernée et occupée par des pelotons de 60 hommes. Les barrières furent gardées, la rivière fut gardée. À 1 heure du matin, les visites commencèrent dans toutes les maisons. Les commissaires des sections frappaient à la porte de la rue au nom de la loi, et on leur ouvrait la porte de la rue. Et ils frappaient à chaque appartement, au nom de la loi toujours, et on leur ouvrait chaque appartement. Ils ouvraient de force les portes des logements qui n'étaient pas occupés. On saisit 2000 fusils. On arrêta 3000 personnes. On avait besoin de la terreur, on l'obtint. Puis il naquit de cette mesure une chose à laquelle on n'avait pas songé, ou à laquelle on avait trop songé peut-être. Ces visites domiciliaires avaient ouvert aux pauvres la demeure des riches. Les sectionnaires armés qui suivaient les magistrats avait pu jeter un regard étonné dans les profondeurs soyeuses et dorées des magnifiques hôtels qu'habitaient encore leurs propriétaires ou dont les propriétaires étaient absents. De là, non pas le désir du pillage, mais un redoublement de haine. On pilla si peu que Beaumarchais, qui était alors en prison, raconte que dans ces magnifiques jardins du boulevard Saint-Antoine, une femme cueillit une rose et que l'on voulut jeter cette femme à l'eau. Et remarquez que cela se passait au moment où la commune venait de décréter que les vendeurs d'argent seraient punis de la peine capitale. Ainsi, voilà la commune qui se substituait à l'Assemblée. Elle décrétait la peine de mort. Elle venait de donner à Chaumette le droit d'ouvrir les prisons et d'élargir les détenus. Elle s'arrogeait le droit de grâce. Elle venait enfin d'ordonner qu'à la porte de chaque prison, on afficherait la liste des prisonniers qu'elle renfermait. C'était un appel à la haine et à la vengeance. Chacun gardait la porte du cabanon où était enfermé son ennemi. L'Assemblée vit à quel abîme on la menait. On allait, malgré elle, lui tremper les mains dans le sang. Et qui cela? La commune, son ennemi. Il ne fallait qu'une occasion pour que la lutte éclatât, terrible, entre les deux pouvoirs. Cette occasion, un empiètement nouveau de la commune la fit éclore. Le 29 août, jour des visites domiciliaires, la commune, pour un article de journal, manda à sa barre Giré Dupré, un des Girondins les plus hardis, parce qu'il était un des plus jeunes. Giré Dupré se réfugia au ministère de la guerre, n'ayant pas le temps de se réfugier à l'Assemblée. Huguenin, président de la commune, fit investir le ministère de la guerre pour en arracher de force le journaliste Girondin. Or, la Gironde était toujours en majorité à l'Assemblée. La Gironde, insultée dans un de ses membres, se souleva. Elle manda à son tour le président Huguenin à sa barre. Le président Huguenin ne répondit point à l'assignation de l'Assemblée. Le 30, celle-ci rendit un décret qui cassait la municipalité de Paris. Un fait qui prouve l'horreur qu'à cette époque on avait encore pour le vol avait fort contribué au décret que venait de rendre l'Assemblée. Un membre de la commune, ou un individu se disant membre de la commune, s'était fait ouvrir le garde-meuble et y avait pris un petit canon d'argent, don fait par la ville à Louis XIV enfant. Cambon, qu'on avait nommé gardien de la fortune publique, ayant eu connaissance de ce vol, avait fait venir à la barre l'homme accusé. L'homme ne nia point, ne s'excusa point, et se contenta de dire que cet objet précieux courant le risque d'être volé, il avait pensé qu'il serait mieux chez lui que partout ailleurs. Cette tyrannie de la commune pesait fort et semblait lourde à beaucoup de gens. Louvet, l'homme des courageuses initiatives, était président de la section de la rue des Lombards. Il fit déclarer par sa section que le conseil général de la commune était coupable d'usurpation. Se sentant soutenu, l'Assemblée décréta alors que le président de la commune, ce Huguenin, qui ne voulait pas venir de bonne volonté à la barre, il serait amené de force et que dans les 24 heures, une nouvelle commune serait nommée par les sections. Le décret fut rendu le 30 août à 5 heures du soir. Comptons les heures, car à partir de ce moment, nous marchons au massacre du 2 septembre et chaque minute va voir faire un pas à la sanglante déesse aux bras tordus, aux cheveux épars, à l'œil effaré, qu'on appelle la terreur. Au surplus, l'Assemblée, par un reste de crainte pour sa redoutable ennemie, déclarait, tout en cassant la commune, que celle-ci avait bien mérité de la patrie, ce qui n'était pas précisément logique. « Ornanum tollendum », disait Cicéron à propos d'Octave. La commune fit comme Octave, elle se laissa couronner, mais ne se laissa point chasser. 2 heures après, le décret rendu, Tallien, petit scribe, se vantant tout haut d'être l'homme de Danton, Tallien, secrétaire de la commune, proposa à la section des Ternes de marcher contre la section des Lombards. Ah, cette fois, c'était bien la guerre civile. Non plus peuple contre roi, bourgeois contre aristocrate, chaumière contre château, maison contre palais, mais section contre section, pique contre pique, citoyen contre citoyen. En même temps, Marat et Robespierre, le dernier comme membre de la commune, le premier comme amateur, élevèrent la voix. Marat demanda le massacre de l'Assemblée nationale. Cela n'était rien. On était habitué à lui voir faire de pareilles motions. Mais Robespierre, le prudent, le côteleux Robespierre, le dénonciateur vague et filandreux, demanda que l'on prît les armes, et que non seulement on se défendît, mais même que l'on attaqua. Il fallait que Robespierre sentît la commune bien forte, pour oser se prononcer ainsi. Elle était bien forte, en effet, car la même nuit, son secrétaire Tallien se rend à l'Assemblée avec 3000 hommes armés de piques. La commune, dit-il, et la commune seule, a fait remonter les membres de l'Assemblée au rang de représentants d'un peuple libre. La commune a fait rendre le décret contre les prêtres perturbateurs et arrêter ces hommes sur lesquels nul n'osait porter la main. La commune, achevait-il enfin, aura purgé sous peu de jours le sol de la liberté de leur présence. Ainsi, c'est dans la nuit du 30 au 31 août, devant l'Assemblée même, qui vient de la casser, que la commune dit le premier mot du massacre. Qui dit ce premier mot? Qui lance, pour ainsi dire, encore en blanc, le rouge programme? On l'a vu, c'est Tallien, l'homme qui fera le 9 Thermidor. L'Assemblée se souleva, il faut lui rendre cette justice. Manuel, le procureur de la commune, comprit qu'on allait trop loin. Il fit arrêter Tallien, et exigea que Huguenin vint faire réparation à l'Assemblée. Et cependant, Manuel, qui arrêtait Tallien, qui exigeait de Huguenin une amende honorable, Manuel savait bien ce qui allait se passer, car voici ce qu'il fit, ce pauvre pédant, petit esprit mais cœur honnête. Il avait à l'abbaye un ennemi personnel, Beaumarchais. Beaumarchais, grand railleur, avait fort raillé Manuel. Or, il passa par la tête de Manuel, que si Beaumarchais était égorgé avec les autres, on pourrait attribuer ce meurtre à une basse vengeance de son amour-propre. Il courut à l'abbaye et fit appeler Beaumarchais. Celui-ci, en le voyant, voulut s'excuser, donner des explications à sa victime littéraire. Il ne s'agit point ici de littérature, de journalisme ni de critique. Voici la porte ouverte. Sauvez-vous aujourd'hui si vous ne voulez pas être égorgé demain. L'auteur de Figaro ne se le fit pas répéter 2 fois. Il se glissa par la porte entrebâillée et disparut. Supposez qu'il eût sifflé Claude Herbois, comédien, au lieu d'avoir critiqué Manuel Auteur. Et Beaumarchais était mort. Arriva le 31 août, ce grand jour qui devait décider entre l'Assemblée et la Commune, c'est-à-dire entre le modérantisme et la terreur. La Commune était décidée à rester à tout prix. L'Assemblée avait donné sa démission en faveur d'une Assemblée nouvelle. C'était naturellement la Commune qui devait l'emporter, d'autant plus que le mouvement la favorisait. Le peuple, sans savoir où il voulait aller quelque part. Lancé en avant le 20 juin, lancé plus loin le 10 août, il éprouvait un vague besoin de sang et de destruction. Il faut dire que Marat, d'un côté, et Hébert, de l'autre, lui montaient effroyablement la tête. Il n'y avait pas jusqu'à Robespierre, qui désirant reconquérir sa popularité fort ébranlée. La France entière avait voulu la guerre, Robespierre avait conseillé la paix. Il n'y avait pas jusqu'à Robespierre, disons-nous, qui ne se fit nouvelliste et qui, par l'absurdité de ses nouvelles, ne dépassa les plus absurdes. Un parti puissant, avait-il dit, offrait le trône au duc de Brunswick. Quels étaient à ce moment les 3 partis puissants en lutte? L'Assemblée, la Commune, les Jacobins. Et encore, la Commune et les Jacobins pouvaient-ils, à la rigueur, ne faire qu'un? Ce n'était ni la Commune ni les Jacobins. Robespierre était membre du club et de la municipalité. Il ne se fut pas crimé lui-même. Ce parti puissant, c'était donc la Gironde. Nous avons dit que Robespierre dépassait en absurdité les plus absurdes nouvellistes. Quoi de plus absurde, en effet, que d'accuser la Gironde, qui avait déclaré la guerre à la Prusse et à l'Autriche, d'offrir le trône au général ennemi? Et quels étaient les hommes que l'on accusait de cela? Les Vergniaud, les Roland, les Clavières, les Servan, les Jansonnet, les Gadet, les Barbaroux, c'est-à-dire les plus chauds patriotes et en même temps les plus honnêtes gens de France. Mais il y a des moments où un homme comme Robespierre dit tout, et le pire, c'est qu'il y a des moments où le peuple croit tout. On en était donc au 31 août. Le médecin qui eut le doigt sur le pouls de la France eut senti ce jour-là les pulsations de ce pouls augmenter à chaque minute. Le 30 à 5 heures du soir, l'Assemblée avait, nous l'avons dit, cassé la Commune. Le décret portait que dans les 24 heures, les sections nommeraient un nouveau conseil général. Donc, le 31 à 5 heures du soir, le décret devait être exécuté. Mais les vociférations de Marat, les menaces d'Hébert, les calomnies de Robespierre faisaient peser la Commune d'un tel poids sur Paris que les sections n'osèrent point voter. Elles prirent pour prétexte de leur abstention que le décret ne leur avait pas été officiellement notifié. Le 31 août, vers midi, l'Assemblée eut avis que son décret de la veille ne s'exécutait pas et ne s'exécuterait point. Il faudrait en appeler à la force. Et qui sait si la force serait pour l'Assemblée? La Commune avait sans terre par son beau-frère Panis. Panis, on s'en souvient, était ce fanatique de Robespierre qui avait proposé à Rebecky et à Barbaroux de nommer un dictateur, et qui leur avait fait entendre qu'il fallait que ce dictateur fût l'incorruptible. Santerre, c'était les faubourgs, c'était l'irrésistible puissance de l'océan. Les faubourgs avaient brisé les portes des Tuileries. Ils briseraient bien celles de l'Assemblée. Puis l'Assemblée craignit, s'il s'armait contre la Commune, non seulement d'être abandonnée par les extrêmes patriotes, par ceux qui voulaient la révolution à tout prix, mais encore, ce qui était bien pire, d'être soutenue malgré elle par les royalistes modérés. Alors, elle était complètement perdue. Vers 6 heures, le bruit se répandit sur ses bancs qu'il se faisait un grand tumulte autour de l'abbaye. On venait d'acquitter un monsieur de Montmorin. Le peuple crut qu'il s'agissait du ministre qui avait signé les passeports avec lesquels Louis XVI avait essayé de fuir. Il se porta en masse à la prison, demandant à grands cris la mort du traître. On eut toutes les peines du monde à lui faire comprendre son erreur. Toute la nuit, il y eut dans les rues de Paris une effroyable fermentation. On sentait que le lendemain, le moindre événement qui viendrait en aide à cette fermentation prendrait des proportions colossales. Cet événement, que nous allons essayer de raconter avec quelques détails, parce qu'il a trait à un des héros de notre histoire, que nous avons perdu de vue depuis longtemps, couvait dans les prisons du Châtelet.